Alors, qu'est-ce que la fidélité ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que la fidélité ? Ta théorie sur la fidélité. Oh là. Oui, eh bien, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de couple sans fidélité. Mais que cette fidélité, elle est fidélité à l'avenir. On est fidèle à l'avenir commun. Et non, c'est présentement, au présent. À un moment présent, on énonce un projet commun. Et la fidélité qui va structurer le couple, c'est justement cette fidélité à ce projet commun. Qui peut être riche, et plus il est riche, plus le couple est lié. Mais de plus, cette fidélité, il n'y a pas de fidélité sans mise à l'épreuve de cette fidélité. C'est-à-dire, pour être fidèle, il faut être fidèle à quelque chose. Et donc justement à ce projet commun. Et en même temps, il faut la mettre à l'épreuve, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se mettre en situation réellement, de donner réellement la possibilité à un moment de pouvoir trahir ce projet commun. Non pas le trahir, mais se mettre dans la possibilité, dans une situation où on aurait la possibilité de trahir et où justement on ne le trahit pas. Mais quelles sont les situations qui pourraient conduire à trahir le projet commun ? Bah, je sais pas, tu peux prendre un exemple comme projet commun d'avoir un enfant. Dans 2 ans, 3 ans. La fidélité, la situation où il y aurait la possibilité de trahir, justement de ne pas être fidèle à ce projet, c'est que toi par exemple tu es avec un type ou moi avec une nana, et que justement on engage une relation telle qu'on pourra envisager d'avoir. Oh merde, j'ai fait. C'est-à-dire que pour être fidèle, il faut forcément se mettre en situation d'épreuve de la fidélité. Ouais, c'est pas une nécessité. Mais simplement, cette fidélité à un projet commun, elle permet des tas de choses. En fait, je pensais plutôt, je vais sur les mots fidélité, par exemple, fidélité à un projet commun, assez thématisé, et ce qui permet en quelque sorte une infidélité, mais une infidélité du corps, une infidélité sur des tas de plans, une infidélité qui n'est plus une infidélité, parce que là précisément il y a la fidélité apporte pas sur par exemple sa relation sexuelle, mais sur le projet commun qui n'exclut pas du tout qu'il puisse y avoir qui est une exclusivité de la sexualité. Et comment cette théorie s'organise dans ta prochaine théorie de l'amour ? Ça, j'en sais rien. Je sais pas encore. Quand j'aurai la théorie, je pourrais me répondre parce que je n'ai pas la théorie. Donc je pourrais me répondre. Elle est en germe dans ce que je vis, elle est en germe de là, présentement, en ce moment. Par l'amour que je peux éprouver pour toi et que je reçois de toi, elle est en germe là, mais maintenant il faut arriver à la pensée. En fait, si elle s'articule comment, c'est cette idée première que de toute manière l'amour n'avait pas de sens en lui-même et qu'il n'était qu'un moment dans un processus qui conduit deux individus à se rencontrer. L'amour n'était qu'un moment, plutôt une partie, parce que le moment ça ferait penser à quelque chose de temporel, mais plutôt c'est plutôt une partie de tout ce qu'ils engagent de leur relation de d'ailleurs où ils s'engagent au monde. Et justement la théorie de la fidélité, c'est à dire qu'à un moment c'est cette partie d'eux-mêmes cette partie d'eux-mêmes qui est l'amour que l'un a pour l'autre et l'autre pour l'un, justement ils y sont fidèles en tant que leur engagement au monde qui englobe l'amour, reprend et inclut justement ce projet qui était justement qui, qui, auquel on est fidèle. Je me sens ça articulerait sûrement tout ça, à peu près comme ça. Mais précisément, je ne sais pas comment. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui naît de l'amour, les projets qui font que deux êtres vont s'aimer et auxquels ils vont être fidèles, ces projets vont s'intégrer et pour l'un et pour l'autre dans leur projet qui au départ était individuel, dans la manière de s'engager au monde. Justement, mais là maintenant, ils vont s'engager au monde, au moins d'une manière commune, qui est justement ce qui fondait leur amour. Et être fidèle, ça sera fidèle justement à ça. C'est pas clair? Non. Non. C'est pas clair parce que les termes que tu as choisis pour... Pour les enfants? Pour les enfants n'est pas très clair. Peut-être aurait-il fallu que tu choisisses un autre exemple. Je sais pas, quel autre exemple, quel autre projet. Ben, prenons par exemple le projet d'écrire. Oui, parce que tu veux dire que au travers d'un enfant, on ne peut pas vraiment penser qu'il y ait un investissement d'un individu dans un enfant et qui correspondrait à la manière dont il pourrait se réaliser dans le monde. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que c'est un exemple truqué. Enfin, pas truqué, mais qui n'est pas très bon. Ben, disons, prends le projet d'écrire. Oui. Après tout. Voilà, le projet d'écrire, qui au départ peut être un projet personnel, partagé par l'un, puis après partagé par l'autre. Il décide au fond de mettre ce projet d'écrire, de lui être fidèle justement, ce projet d'écrit fait partie de leur amour. Oui. Et justement, être fidèle à cet amour, c'est aussi être fidèle à ce projet, qui au départ est projet individuel, mais du fait qu'il y a eu, qu'il va y avoir amour et donc fidélité à ce projet, ça va devenir un projet commun. Mais c'est-à-dire qu'en même temps, ce projet il va dépasser l'amour, parce que c'est beaucoup plus que l'amour qui est engagé, puisqu'il y aura à la fois la réalisation de l'individu et en même temps l'amour pour l'autre. Je ne vais pas dire non plus clair. Mais c'est pas un projet commun d'écrire. Si, ça le devient. Ça le devient dans la mesure où justement. Mais c'est pas personnel à deux personnes. Comment ça? Tu peux très bien avoir le projet d'écrire avec quelqu'un d'autre. Ah oui, non, c'est pas ça, non, c'est pas un projet d'écrire en commun. C'est le projet d'écrire qui devient, c'est le projet lui-même qui devient commun, c'est-à-dire qui est partagé par l'un et par l'autre, mais en même temps qui est réuni justement, qui devient une des raisons de cet amour de l'amour. Voilà, et en même temps, être fidèle à cet amour, à l'autre, c'est aussi être fidèle à ce projet qui au départ était personnel, mais qui maintenant devient commun et qui transcende largement l'amour, puisque justement il correspond à quelque chose de beaucoup plus fondamental chez l'individu, puisque c'était un choix au début personnel. Maintenant, l'autre, par le biais de l'autre, il est obligé d'y être fidèle. Enfin, il n'est pas obligé, mais il décide d'être fidèle. C'est justement ce qu'on appelle être fidèle en amour. Être fidèle à ses projets, non pas à être fidèle au corps, enfin je sais pas moi, de refuser d'avoir des rapports avec d'autres personnes. Et c'est ton corps ton projet. Ah oui, mais dans ces cas-là, mais si mon corps est ton projet, oui, ça va devenir des preuves, mais mon corps ne peut pas être ton projet. Mmh. Mon corps ne peut pas être ton projet. Voilà. Ce qui permet des tas d'infidélités, en quelque sorte, par rapport à la fidélité bourgeoise. Mais non, mais c'est évident. Puisque dans la mesure où tout ce qu'on... Ça permet des tas d'infidélités, tant que ces infidélités sont justement, ne deviennent pas infidélités à ce qui était projeté en commun. Au fond, à ce qui était thématisé, qui était, au fond, être fidèle, parce qu'à un moment, être fidèle à l'autre, après, c'est être fidèle à soi. Et peut-être aussi dans l'amour, ce qui est en jeu, c'est la fidélité que l'autre attend, la fidélité de l'autre envers lui-même, quoi. Par exemple, si je t'aime, peut-être T'aimer, c'est aussi te demander d'être fidèle à toi-même. Alors toi-même, non pas avec naissance, mais une espèce d'essence qui serait là, qui serait Catherine, mais précisément avec quelque chose de plus vivant, de plus vivant, de moins figé, mais qui est plutôt une démarche ou une manière de se faire être, non, de se faire être, qui serait toi-même. Il y a peut-être ça, oui, dans l'amour. Exiger de l'autre qu'il soit fidèle à soi. Tel qu'on l'aime et tel qu'on l'aime, évidemment. Tant que être fidèle à soi et que ce soi est en quelque sorte est partagé, oui, mais si c'est un moment le soi, si ce que j'aime en toi varie, et dans un temps, je ne te demanderai peut-être pas fidèle à toi si cette fidélité correspond à ce que tu étais maintenant. Voilà. Quand mon livre sera refusé par 4 maisons d'édition. On leur plastiquera leur boutique. On plastiquera leur boutique, c'est pas grave. Ouais. Ça, oui. Quoi d'autre? Moi, c'est toi qui poses des questions. Mais je suis sûre que t'as encore des tas de choses à dire là-dessus. Non, ce serait mieux si tu me posais des tas de questions avec lesquelles je puisse répondre brièvement. N'oublie pas que ça doit être un portrait. Oui, alors, comment revient Spinoza? Ah, c'est intéressant ça. Ouais. L'idée. L'autre n'était pas une question intéressante. Si, c'était intéressant, mais celle-ci me semble plus ancrée dans un moment temporel. Ouais, comment elle revient? Ben, je découvre finalement c'est ce que j'écrivais à Maria l'autre jour, que j'en suis à penser le bien, la morale, d'une manière qui en tout cas dans sa structure très formelle est très proche de Spinoza. Tu sais, c'est cette idée de Spinoza où il énonce que chaque être tend à persévérer dans son être. Et que ce qui est bien, en quelque sorte, c'est le bon. Oui. Et qu'on détermine le bien et le mal en fonction de l'augmentation de la diminution de notre être que provoquent les rencontres. Eh bien, je crois que... Je crois que voilà, c'est quelque chose d'assez similaire que je suis en train de penser par en amour. Il faut arriver à percevoir, comme chez Spinoza justement, avec toute l'évolution entre premier genre de connaissance, deuxième genre de connaissance, troisième genre de connaissance. Il faut arriver à reconnaître en quelque sorte ce qui nous détermine et dont on n'est pas conscient et qui nous pousse à agir. De sorte que connaissance qui nous pousse à agir, on arrive à se débarrasser du mauvais, du mal, enfin du mauvais, oui, du mauvais. Du mauvais. Parce que précisément, en amour, il y a des tas de petits chagrins, de petites peines, de petits agacements, de petites douleurs, qui sont provoquées simplement parce que quelque chose dans la relation amoureuse est engagé, de nous, mais qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Et il s'agit de le reconnaître pour évidemment soit modifier notre attitude pour éliminer l'agacement, soit modifier ce qu'on ne connaissait pas et que maintenant on connaît, afin que justement qu'on agisse plus, qu'on agisse plus selon des choses que l'on ne sait pas en nous. De nous plutôt. C'est plutôt de nous. Voilà, faire la réflexion, réfléchir là-dessus doit aboutir à quelque chose d'assez plein et d'assez long. D'autant plus que le processus est général, c'est-à-dire que ça se fait pour une relation amoureuse, mais je crois que ça se fait aussi pour un individu au sein d'une société. À un moment, arriver à comprendre ce qui nous détermine à l'extérieur, arriver à en prendre conscience et à le savoir, ça nous permet aussi d'agir sans nous heurter à des murs. Oui, ça nous permet certainement de contourner les murs. Et pourquoi est-ce que nous autres revenir maintenant alors? Ben, j'y reviens parce que j'ai arrêté de militer. Enfin, ouais. J'y reviens parce que j'ai arrêté de militer, parce que maintenant je retrouve justement suffisamment de curiosité pour essayer de pour relire ou pour repenser à ces auteurs qui certainement n'expriment pas les choses d'une façon adéquate, c'est bien vrai, mais qui tout de même disent quelque chose qui repenser permettrait de savoir le vrai. C'est en modifiant, en arrivant à démasquer l'erreur globale, les présupposés, plutôt les présupposés globaux qui président à leur pensée, si on relit ce qu'ils ont fait en connaissant ces présupposés et en sachant comment les critiquer, on arrive finalement à relire ces œuvres en remettant les choses en ordre, quoi. Oui, les choses en ordre. Donc si ce qui nous passe, il y a la place. Si par exemple à la place du conatus, c'est-à-dire la tendance à persévérer, de persévérer dans son être, on lui substitue quelque chose qui, à mon sens, est plus intelligible, quelque chose comme le projet sartrien. Oui, ça paraît drôle. Mais à mon sens, déjà, le projet sartrien, le concept de projet sartrien est beaucoup plus efficace et beaucoup plus proche du vrai que le conatus spinozien. Ça permet de relire Spinoza en découvrant à chaque fois les limites de ce qu'il disait, du fait qu'il pensait ça en termes de conatus, et de retrouver malgré tout une certaine vérité. En tout cas, ça permet certainement de guider une pensée avec qui a d'autres présupposés que la sienne, de la guider et de manière à... On a la forme, quoi. On a la forme de la pensée, il ne reste plus que les idées sont comprises juste. Voilà, c'est plutôt ça. L'idée, c'est que finalement, il y a des tas d'auteurs, par exemple comme Spinoza, où la forme de la pensée est juste, et où bien souvent elle est juste, et il suffit de lui donner son contenu, un contenu qui soit plus vrai. Bon, évidemment, parfois le contenu modifierait la forme, mais en tous les cas, on trouve bien souvent, en tout cas, une ébauche de forme sur bien des problèmes. Et si je peux faire ça, c'est que, justement, en arrêtant de militer, je ne suis plus obligé de penser en termes de pratique. C'est-à-dire, je ne suis plus obligé de produire des idées qui guident les pratiques. Et donc, il peut penser qu'il y a un moment peut s'égarer ou peut commencer à énoncer des choses qui sont. Ou si elles sont fausses, ou partiellement fausses, c'est pas grave, quoi. Il n'y a pas d'implication pratique, justement. Le militantisme empêchait vraiment cette. Ah ouais. Oui, parce que toute pratique, à un moment, demande une certitude sur elle-même. C'était cet exemple que, une fois dont je t'avais parlé, c'est que le dimanche matin, quand tu vas vendre l'humanité, ne serait-ce que quand tu vas vendre l'humanité en plein hiver, à un moment, il faut que tu croies à ce que tu fais. Il faut que tu croies à ce que tu fais, et croire à ce que tu fais, c'est vraiment le justifier, et le justifier demande une argumentation, je dirais simple, en tout cas conforme à ce que tu fais. Et comme ce que tu fais, c'est quand même pas grand chose. C'est-à-dire, en même temps, vendre l'image, c'est un exemple pas très bon, mais en même temps, tu discutes avec les gens dans la rue. Et quand tu vas donner ta position sur je ne sais quoi, la position du parti sur je ne sais quoi, n'importe quel problème, à un moment, pour le faire en plein hiver quand il fait froid, ça demande que tu te mettes à croire en ce que tu dis. Ne serait-ce que minimum pour pouvoir le faire. Et le croire, croire en ce que tu dis, quand ce que tu dis est très limité, ça fait que tu te mets à penser de façon très limitée. Et en tout cas, tu n'as plus de disponibilité pour des tas de. Des choses qui sont comme ça, dans le premier aspect, qui sont fausses, quoi. Qui sont tout simplement fausses. Si on pense Spinoza, c'est faux. C'est clair. Le parallélisme, le parallélisme chez Spinoza, l'infini divin, qui en même temps est atemporel, etc. Bon, c'est faux, c'est des conceptions totalement fausses. Reste que malgré ces conceptions globales fausses, il y a des choses qui semblent très très pertinentes. Simplement pour les redire, les repenser autrement. Et si tu milites, tu ne peux pas t'intéresser au fond. Parce que le but militant, c'est de dire le vrai. Alors donc, tu ne vas pas rendre ta carte du PC ? Non. Je ne vais pas rendre ma carte du parti. Non. Parce qu'il n'y a pas de nécessité que je le fasse. Autant il y avait une nécessité que j'arrête de militer, autant il n'y a pas aucune nécessité à ce que je rende ma carte partie. S'il y a. Je ne sais pas si. Mais la manière dont tu parlais de ce projet, alors que tu étais encore dans tes derniers jours de militantisme, montrait bien que c'était une nécessité qui était partie. Et non pas d'arrêter seulement l'acte de militer, la pratique militante. Oui, mais je suis aperçu qu'en arrêtant le militantisme, finalement, la rupture était suffisamment nette pour pouvoir garder une part. Dans ces cas-là, finalement, je pensais que l'adhésion purement formelle au parti était impossible. C'est-à-dire, vraiment, tu prends une carte, tu peux t'éteindre. Je pensais que c'était pas possible. Ça n'avait pas grand sens non plus. Mais ça n'a pas grand sens. Si, ça a un sens parce que, au fond, c'est ce que me disait Christophe. Et j'avais commencé. Après, quand j'étais arrivé, je t'avais dit que. Finalement, non, c'est ça. Bon, j'ai dit oui à Christophe et puis j'ai repensé, je me disais, arrête pas. Et puis en même temps, j'y ai repensé depuis. Oui, effectivement, garder la carte, c'est justement être fidèle à l'avenir. Encore une fois. Finalement, je prends la carte non pas pour maintenant, je garde la carte, c'est pas pour maintenant. C'est simplement pour dire à ces gens, dire à moi-même, j'ai la carte, je ne milite pas, je n'ai pas une pratique révolutionnaire actuellement, mais je continue de prendre l'engagement que cette pratique, je l'aurai. Plus tard, mais je l'aurai. C'est-à-dire, je reste fidèle aux exigences révolutionnaires, même si ces exigences ne sont plus réellement tenues par moi, puisque je n'ai plus de pratique, donc sans pratique, il n'y a pas d'exigence réellement tenue, mais ces exigences, je les maintiens formellement. Je les maintiens formellement, je prends une carte, je paye mes peines. Et ce que je pensais, c'est qu'au fond, conserver cette carte, ça correspondait encore à un engagement réel. En fait, je me perçois que non, ça peut être un engagement purement formel, qui ne correspond à aucun engagement réel. C'est vrai que j'ai abandonné toute pratique et toute pratique. Donc c'est très abstrait. C'est absolument abstrait. C'est vraiment un lien qui me lie à l'avenir, si tu veux, qui me lie à mon propre avenir. Oui, qui me lie à mon propre avenir. Ça me ferait mal de quitter le parti. Vraiment. Ouais. Est-ce que tu crois que tu es redevenu un homme abstrait? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je suis plus du tout. Non, je crois que je ne suis qu'un homme abstrait, non? Simplement, oui, c'est au fond, cette pratique militante, c'est pas elle qui disait qu'il n'était pas un homme abstrait. Simplement, c'était une manière possible pour moi de ne pas être un homme abstrait. Maintenant, il y a d'autres manières de ne pas être un homme abstrait, qui n'est pas forcément militant plus. Mais il faut être vigilant parce que, évidemment, et encore une fois, c'est pas le militantisme qui garantit de passer son temps comme abstraction, mais c'est au fond, c'est être au contact de tas d'autres gens qui maintiennent l'exigence révolutionnaire. Et puis de toujours se poser la question de savoir comment la révolution se fera et comment dès maintenant on commence à la faire. Même si finalement il n'y a pas véritable problème, il n'y a peut-être pas de révolutionnaire de masse, mais en tous les cas, devenir le militant, la révolution pour lui, elle a commencé maintenant. Quoi. C'est pas, enfin, le processus révolutionnaire est déjà engagé. Même si justement l'événement en révolution. Il n'a pas lieu. Donc si je disais ça, oui, c'était que en fait il y avait toujours cette exigence de faire de militer avec d'autres gens, il y avait toujours on posait toujours l'exigence de savoir comment on allait faire la révolution. Et c'est ça qu'en arrêtant de militer, qu'on fait la révolution, qu'on peut facilement retomber dans une pensée abstraite, enfin dans une pensée idéaliste qui peut nous conduire à de nouveau à une vie un peu abstraite. Moi, si tu es un peu pigeon, en fait, il y a d'autres carreaux. Tu crois vraiment que le parti est un parti révolutionnaire? Maintenant? Oui. Je sais pas. Je peux pas répondre à la question, je sais pas. Je dirais non, mais sans aucune certitude. Je ne sais pas. Les processus en jeu sont trop complexes pour que je puisse vraiment donner une réponse. De ce que je peux en saisir, je dirais non. Simplement, c'est sans aucune certitude. C'est-à-dire que l'attitude qu'on serait tenté de qualifier réformiste du parti, c'est peut-être une position absolument révolutionnaire. Le processus est vraiment si vaste qu'on ne sait pas. Enfin, que moi, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas s'il y a une scénario. Oui, je ne sais pas. Certains historiens disent qu'à chaque fois que le Parti communiste a été très fort, c'est parce qu'il a été réformiste et non pas révolutionnaire. Qu'il apparaissait aux yeux du monde comme réformiste. Par exemple, au moment du Front populaire. Ouais. C'est une idée qui est en porte, mais je ne suis pas salé vraiment plus. C'est-à-dire que par exemple, au moment de la guerre. Ouais, mais le problème, voilà, c'est que, qu'une telle pensée, voilà, en fait la difficulté, elle est là. C'est que si on analyse le parti, le PCF, en se limitant à la France, on peut dire il est réformiste, il est révolutionnaire. Simplement, cette pensée, ça suppose que quoi? C'est que la révolution peut se faire dans un pays. Et si on commence à poser la question au niveau mondial, on ne peut plus analyser l'analyse réformiste ou révolutionnaire, elle est infiniment plus complexe. C'est-à-dire, même en 1945, voilà, en 1945, au Front populaire. Si on prend le Front populaire et qu'on reste à la France, on se dit oui, le parti il était réformiste. Bien. Mais maintenant, si on réenvisage le problème du parti, enfin du Front populaire, de la position du parti lors du Front populaire au niveau mondial, c'est-à-dire en pensant réellement l'état des rapports de classe dans le monde, et en sachant qu'un parti révolutionnaire doit être un seul pas, un enfant, et pas deux. Et alors, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut encore dire que le parti il était réformiste à ce moment-là? Je sais pas du tout. Puisque mon idée, c'est qu'il n'y aura pas de révolution si la révolution n'est pas mondiale. Alors là, dans ces cas-là, au fond, la position d'un parti, peut plus, même national, ne peut plus s'analyser nationalement. C'est-à-dire qu'il faudrait faire l'évaluation de la position du parti. D'un point de vue mondial. C'est uniquement comme ça qu'on peut savoir si c'était réformiste ou révolutionnaire. Et actuellement, c'est le même problème. Savoir est-ce que le PCF est réformiste ou révolutionnaire, c'est très difficile. Est-ce qu'à un moment, il n'est pas plus révolutionnaire de tenter de maintenir, même avec les pires saloperies, quand même, les congrès tels qu'ils se déroulent actuellement, etc., est-ce qu'il n'est pas plus important de maintenir ne serait-ce qu'une ossature minimale d'un parti communiste, plutôt que finalement prendre soit le risque d'un passage à la social-démocratie, soit se replier sur des positions qui apparaîtraient comme révolutionnaires, mais qui sont tout simplement qui seraient des positions très proches de l'extrême gauche. Alors est-ce que le parti doit se marginaliser à l'extrême, vraiment à l'extrême, c'est-à-dire en se rapprochant de l'extrême gauche, ou est-ce qu'il doit sombrer dans la social-démocratie, puisqu'il y a la position révolutionnaire? J'en sais rien, est-ce que la position qu'il a actuellement n'est pas plus révolutionnaire qu'une autre? Mais si on prend au niveau national, je dirais qu'il y a la forme. Maintenant, au niveau international, j'en sais rien. Et c'est justement le niveau international qui compte. Mais comment pourrait-on mesurer ce degré de révolutionnaire à un niveau international? En faisant un état des lieux des luttes de classe à travers le monde. Et de voir si à un moment le parti communiste français propose le maximum de ce qu'il est possible de proposer à un moment historiquement donné. C'est-à-dire, est-ce que le parti peut aller plus loin par rapport à la conscience de classe, au rapport de classe au niveau mondial? Est-ce que le parti peut aller plus loin? C'est pas sûr. Non. Je sais pas si tu te souviens de publicité, de grands encarts qu'avait posé le Parti communiste avec... En aide capitale, classe contre classe. Ouais. Et c'était le seul mot d'ordre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a un peu décliné. Ouais. Comment t'expliques ça? Bah, tout simplement qu'un parti doit donner des mots d'ordre qui sont élaborés à partir de la à partir de l'état réel d'une société, c'est-à-dire ça demande une connaissance à la fois des structures objectives de la société, mais aussi de la conscience, de la conscience que, ou plutôt pas de la conscience, mais du rapport de classe, de lutte de classe, qu'il y a aussi au niveau idéologique. Et si un parti analyse pas cette situation de manière correcte, de sorte qu'il puisse énoncer des mots d'ordre qui prennent en compte cette réalité pour la transformer, c'est-à-dire pour transformer quelque chose, faut le connaître. Et si à un moment tu donnes des mots d'ordre qui sont liés et qui ne sont pas liés justement à la situation réelle, bah, les mots d'ordre passent complètement à côté, enfin, ils servent à rien. C'est des mots d'ordre totalement creux. Parce ils avaient fait sur le terrain tout un travail, sûrement avec ce mot d'ordre, classe contre classe. Et alors que finalement ils doivent sentir que ce mot d'ordre est assez bien perçu, qu'il répond à une conscience naissante ou je sais pas quoi, enfin, j'en sais rien, le simple fait de le coller au mur et de retenir comme simple phrase, quoi, enfin, comme peut-être de manière un peu creuse d'ailleurs. Les gens prennent peur, peut-être ces mêmes personnes qui. Lorsqu'il parlait avec des militants. Oui, mais simplement le mettre sur le mur, c'est l'objectiver. Il y a un moment, classe contre classe, c'est énoncer la haine. C'est énoncer la haine. Il y a des gens qui. Pour être prêt à haïr, pour être prêt à haïr et à tuer, il faut avoir une sacrée certitude, une certaine certitude de sa classe et de son appartenance de classe. Et tant qu'au fond, on se dit, on est selon une telle classe, et ça veut dire que si on est fait appartenir à telle classe, qu'on peut légitimement exiger d'être payé plus. De là à dire qu'à partir de cette classe, on peut légitimement tuer quelqu'un, il y a quand même un sacré passage. D'autant plus que, oui, c'est quand même une bataille idéologique féroce et que on peut pas comme ça. Classe contre classe, c'est terrible comme mot d'ordre. Imagine, c'est la haine, C'est la haine absolue, mais c'est quasiment un mot d'ordre révolutionnaire, mais qui pourrait se dire qu'en période révolutionnaire, justement, là où il y aurait des groupes qui seraient armés, classe contre classe. Dans ces cas-là, oui, le mot d'ordre, il aurait une chance à un moment, justement, de médier la classe révolutionnaire avec elle-même, d'ailleurs, où on objectiverait son pouvoir. Ou, oui, en tous les cas, elle se dirait à elle-même ce qu'elle est en train de faire. Mais justement, c'est pas le cas. Aucun moment en France il a été question de ça. C'est le cas dans le 20e siècle. Où justement la classe ouvrière est en mesure de tuer la branche choisie. Mais réellement, c'est-à-dire il fuit. Ouais, c'est un mot d'ordre de guerre. C'est un mot d'ordre de guerre. Si la situation est une situation de guerre, et ben. Oui, il y a de quoi effrayer les gens parce que ça fait purement dogmatique. Parce que ça ne correspond pas justement à une situation réelle. Donc ça fait dogmatique. Les gens font ça dogmatique. Parce qu'ils ne peuvent certainement pas, ils peuvent pas se penser à travers un tel mot d'ordre. Et donc s'ils ne peuvent pas se penser à travers un tel mot d'ordre, et bien c'est que ce mot d'ordre, je le pense comme faux. Convaincu. On va. Si je suis convaincu, mais je trouve ça dommage quand même. Et ta théorie de la vérité? Je ne sais pas, rien. La théorie de la vérité. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment y travailler. Je ne sais pas. Je ne sais, sais toujours pas ce que c'est que le vrai. Je sais toujours pas ce qu'est le vrai et je sais toujours pas comment on pourrait articuler la connaissance et l'être. Justement, c'est pour penser le vrai. Tout ce que je fais, c'est que la manière dont Kant pourrait définir le vrai, ça ne convient pas, c'est-à-dire la conformité d'un objet de connaissance au concept, plutôt la constitution d'un objet de connaissance à travers la catégorie du concept. Ça me semble assez idéaliste, ça colle pas. L'adéquation d'un concept intellectuel à justement une catégorie que l'être aurait fondée de lui-même, c'est-à-dire il y aurait rencontre, conformité, adéquation d'un concept humain et d'un concept du réel, enfin, c'est-à-dire une catégorie du réel. Ça me paraît quand même mal faux parce que je ne comprends pas comment l'être pourrait fonder des catégories. Comment pourrait fonder et se donner des catégories, ou exister sous des catégories, dont il serait le maître d'œuvre. Ça me paraît absurde, mais simplement comme il y a pour l'instant ces deux possibilités. Si, il y a la possibilité de Sartre, la solution de Sartre qui était au fond la vérité, c'est. Oui, la solution de sorte, c'est que le problème de vérité, il n'y en a pas, quoi, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'à la limite, chaque individu dévoile l'être dans la vérité, dans sa vérité. Mais ce reste une vérité purement individuelle. C'est-à-dire que si je dévoile ce magnétophone comme noir, bon, très bien, ce magnétophone est noir avec une lampe rouge, etc. Je le dévoile comme tel et cet objet il est vrai. Il est comme ça, effectivement. Mais simplement on a pas vu le problème de la vérité. Parce que finalement le problème de la vérité, c'est qu'est-ce qui est vrai pour tous. Et là, on ne peut pas dire. Comment on passe justement d'une vérité purement subjective à une vérité qui, en tout cas, on peut dire objective, en tout cas, qui sera commune à, sur laquelle on puisse se mettre d'accord, une objective. Voilà, il y a ces trois possibilités pour l'instant, je ne sais pas quoi. Une des trois, les trois ne sont pas. Ne sont pas bonnes. Voilà. Je ne sais pas quoi dire sur la vérité, je ne suis pas dans l'arbre. Ce qui me semble vrai, en tout cas, mais au fond, j'ai une vérité pratique. J'ai que des vérités pratiques pour l'instant. Voilà, comme c'est dire que, bah, oui, c'est ce que j'ai dit hier soir. Cette histoire des sociétés jusqu'à nos jours et l'histoire des classes, ça me semble vrai. Simplement, je suis incapable de prouver que c'est vrai. Et c'est une vérité pratique. En tout cas, c'est une vérité que je reprends à mon compte et que je pose comme vrai, comme un postulat. Alors, voilà, si j'ai des postulats, mais je ne sais pas. À partir de là, on a des vérités dérivées, mais. Je ne peux pas fonder mes postulats, en vrai, en vérité. Et Sartre n'a pas essayé de le faire? Si, dans la critique, dans la dialectique. Je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas lu suffisamment, et voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, non, mais il y a vraiment des choses que je ne comprends pas. Si, c'est précisément son problème. Tenter de fonder, quand il dit le problème de fonder en vérité la dialectique. Ce qui me semble. Oui, c'est expressément son problème. Fonder en vérité le monisme explicatif leur histoire. C'est-à-dire prouver que l'histoire est une totalisation et non une suite de petites totalisations qui seraient des histoires. Mais il y a effectivement un principe explicatif, un monisme. Unique, une richesse, une très grande richesse, mais qui permet d'expliquer l'histoire. Comme ça, il n'y a qu'une seule histoire, et on arrive à retrouver J'ai à peu près compris les questions, mais j'en suis pas encore à comprendre les réponses. D'ailleurs, les réponses, par exemple, sur le problème, c'est que les réponses ne sont pas élaborées par toi, puisque le traitement justement de la phonétique sur l'histoire, c'est le deuxième tome, et tu l'achèves. Alors, il y aura des indications. Pas tellement une théorie que tu as, puisqu'il y a que des indications. Il y a certainement de quoi pour élaborer quand même des choses. Enfin, pour l'instant, c'est la panne. C'est la quoi? C'est la panne pour l'instant. Panne? Je suis en panne. Je sais pas, j'ai pas le temps d'y réfléchir. C'est pour plus tard, ça. Ça me ferait beaucoup, en tous les cas, d'élaborer une théorie là. Il faudrait se faire du temps, ça. Voilà. Prends la vérité.